is carrying load, he cannot dance samba. Wenn jemand eine schwere Last trägt, kann er nicht Salsa oder Samba tanzen. Si quelqu'un est en train de porter un grand fardeau, un fardeau très lourd là, il n'est pas capable à danser vraiment avec toute souplicité. But if you are free and somebody is carrying that load for you, then you can dance. Aber wenn du leicht bist wie eine Feder, dann kannst du tanzen und jemand anderes trägt gerade diese Last für dich, während du am Tanzen bist. Mais si par exemple tu n'as pas le fardeau lourd et tu es vraiment souple et légère, c'est là que tu es capable à bien danser. The Lord might still be there, but it belongs to somebody. Und die Last ist vielleicht noch da, aber du hast sie abgegeben. Then you can dance samba because you are free. Und dann kannst du frei tanzen, weil du frei bist. Peut-être tu as toujours. I know people are seeing it in your eyes, seeing it in your words, seeing it how you are quiet, seeing it nothing is coming from you. No compression, nothing. Then you are saying things, you are not dancing samba, you are carrying load. Und nicht, du trägst die Last auf deinem Kopf und behauptest, Salsa zu tanzen dabei, obwohl man dir das komplett an allem Haut und Haar ansehen kann, dass da nichts in Ordnung ist. Das ist alles nur, dass es einfach nur eine Belastung ist und nicht jemand, der frei ist durch Christus Jesus. Par exemple, si tu es en train de danser samba, malgré tu as les fardeaux, c'est parce que tu as donné tes fardeaux au Christ. Et c'est pour cela que tu es capable à danser malgré, danser comme une plume, malgré tu as toujours ce fardeau. Mais quand tu es en train de danser ou bien tu es là et tu te sens lourd et on voit que ton expression est vraiment, tu es calme, tu as un problème, ça se voit, ça signifie que tu n'es pas en train de danser, tu es en train de porter ce fardeau toi-même. Praise the Lord. Hallelujah. I hope you understand. Mm-hmm. Amen. Amen. Hate this spirit. Hast du diesen Geist? Tu dois détester cet esprit. You know how you hate it. Wie hast du diesen Täuschungsgeist? Et comment on est en train de détester cet esprit? Indem wir offen sind gegenüber Kindern Gottes. C'est quand on est vraiment ouvert avec oui. Don't go to Dieu. You know why? Once you have it. If you ever have problems, don't go to those that will side you. Go to those that will bring you to Christ. Ja, wenn du ein Problem hast, geh nicht zu den Leuten, die dich befürworten, sondern geh zu den Leuten, die dich mit der Wahrheit konfrontieren. Donc, si tu as un problème, tu dois vraiment partir envers les enfants de Dieu et ne parle pas chez les enfants de Dieu où tu sais qu'ils vont t'appuyer ou bien ils vont voir ta chair et puis t'appuyer dans ta chair. Non, va vers les enfants de Dieu où tu sais que ça sera... Peut-être qu'ils vont me dire quelque chose qui ne va pas me plaire, mais qui va plaire à l'Éternel, qui va m'emmener près du Christ. Et c'est ça que tu dois faire. You know the weaker vessels that will be on your side. You go to them. Du kennst die schwächeren Gefäße, die auf deiner Seite sein werden. Die schnell sind darin, das Fleisch zu wählen. Die schnell daran sind, dich zu unterstützen in deinem fleischlichen Verhalten. Du kennst die. Aber das heißt, du liebst das Böse. Du suchst nicht nach Erlösung, nach Befreiung Christus. Du willst gefangen bleiben. Quelquefois, tu sais, par exemple, quel vaisseau ou bien quel frère et sœur qui sont pas qui sont un peu plus faibles. Qui sont faibles, par exemple, avec dans la parole, ou bien tu sais qu'ils vont dans la foi, ou bien qu'ils vont te rejoindre dans ta chair, ou bien appuyer ta chair. Et c'est chez ces frères-là, ou c'est chez sœurs-là que tu pars, par exemple. Ça signifie que toi, tu aimes ce mal, que tu es en train d'apprécier ce mal. Mais si tu pars, par contre, si tu pars avec chez les frères et sœurs qui sont forts dans la foi, là, ça va se faire voir que tu détestes cet esprit-là. Amen. Amen. If you allow this spirit to come into you, it will possess you. Because this spirit is a container. It has a lot of things inside. Und wenn du diesen Geist, the fruit will now be seen. Zugang in dich hineinlässt. From one stage to another. Wird er dich einnehmen, and it's going to deteriorate. Du wirst it's gradually. To start. Du wirst von ihm besessen sein. Und weil dieser Geist auch ein Behälter ist, in diesem Behälter sind so viele Dinge drin, die dann wie so eine Splitterbombe, ne? Die wird geschmissen, die explodiert und da drin sind nochmal so viele Dinge, die auch nochmal zerstörerisch an sich sind. Et tu dois faire attention parce que ça sera comme une bombe. Ça sera comme une bombe. Tu pars, tu as quelque chose dans ton cœur et ça va encore être appuyé et c'est comme ça que tu le gardes dans ton cœur et une fois ça va exploser. Donc il faut faire attention de cet esprit, de ne pas laisser, de ne pas donner accès à cet esprit. Amen. Amen. You will become, you will, first of all, blind you. towards the truth and towards himself. Mm. And that's why when people are telling you this is Satan, you don't even believe it. Mm. So it blinds you towards the truth and also towards himself. Yeah. That you cannot see that this is Satan doing any job. It's you and through you. Und wie schon gesagt, er kommt rein, er schmeißt dir dieses Tuch in den Kopf und du weißt ja nicht mal, wer die Person ist, die dieses Tuch übergeschmissen hat. Du weißt nicht, wer um dich herum ist und du weißt nicht, wer der Feind ist und wo die Lösung ist. Und wenn man dich dann mit der Lösung konfrontiert, willst du das noch nicht mal einsehen, weil du nicht mal merkst, dass du überhaupt blind bist. Donc cet esprit est vraiment très dangereux parce que d'abord, ça va t'aveugler envers la vérité et ça va aussi t'aveugler envers Jésus-Christ lui-même. Bon, là, c'est pas seulement sa parole et envers tout concernant la vérité. Et du coup, tu vas voir que même si on va te... Envers le diable. Aussi envers le diable, voilà, merci. Et tu vas voir aussi que même du coup, même si on va vouloir t'aider ou bien te confronter avec la vérité, tu ne seras même plus capable à reconnaître que ce que tu fais est mauvais, que tu es aveuglé, parce que tu es si aveuglé que tu ne vois plus rien et tu as même du mal à accepter la vérité. Amen. Amen. He will so much blind you that you will not see yourself disobeying the truth. Er wird dich so sehr blenden, dass du nicht mal denkst, dass du die Wahrheit missachtest. Du wirst nicht glauben. He will give you verses to prove your point. Er wird dir sogar Bibelverse geben, um deine Position sogar zu verteidigen, zu bestärken. Et cet esprit-là est vraiment très dangereux parce qu'il va vraiment t'aveugler et tu vas même commencer à il va même te donner des versets bibliques qui vont appuyer ton opinion, qui va te diviser avec les enfants de Dieu. Amen. Amen. Er wird sicherstellen, dass die Wahrheit zur Lüge wird in deinen Augen. Cet esprit-là va s'assurer que la vérité devient un mensonge devant tes yeux. He will give you his own interpretation of everything. Er gibt dir seine eigene Deutung, ne? Et cet esprit va seine te donner... eigene Offenbarung, sorry. Et cet esprit va te donner sa propre interprétation. Amen. To not be about you. Es geht dann um dich. Et maintenant, il s'agissera de toi. You will be full of pride. Du bist ein Fall von Stolz. Et tu seras plein, rempli de l'orgueil. And you cannot even recognize it. Und du kannst dich erkennen. Et tu seras même pas capable de le reconnaître. Because it is also the spirit of blindness. Weil es ein Geist der Blindheit ist. Et parce que c'est un esprit d'aveugle qui aveugle les gens. Because he will blind you all towards everything of Christ completely. Er wird dich blind machen für alles von Christus. Parce que ça va t'aveugler envers tout ce qui concerne le Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hate this spirit. Hast du diesen Geist bitte? Tu dois vraiment détester cet esprit. Amen. Amen. By communicating with the true God children. Indem du mit den wahrhaftigen Kindern Gottes dich austauschst. Help me to hate it. Let me help me to. No, you take action. Mm. Are you getting it? I'm not praying. Pray for me that God will help me to hate it. Without you taking action. That is faith without work. Und das regelst du nicht nur im Gebet, sondern im Handeln. Dann kannst du das die ganze Zeit rejecten, aber du gehst dagegen nicht an. Weil das ist sonst Glaube ohne Werke. Yeah. Et tu dois faire attention parce qu'il ne s'agit pas de dire que oui, je déteste cet esprit. Non, il s'agit d'agir selon ta haine. Ça signifie, et comment tu agis selon ta haine envers cet esprit, c'est quand tu es ouvert envers les enfants de Dieu, quand tu parles avec les enfants de Dieu. Pas seulement, oui, aidez-moi à prier contre ça, je prie contre ça. Non, tu dois vraiment partager ou bien exposer ton cœur. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's not about prayer requests. Es geht um Gebetsanliegen. Il s'agit pas seulement d'une demande de prière. Amen. Repentance should come from your heart. Buße muss von deinem Herzen kommen. Humble yourself. Dich zu demütigen, das ist deine Hausaufgabe. Expose that Satan. La repentance, ça vient du cœur. Tu dois t'humilier, tu dois exposer le diable. Yeah. One thing that Satan, that spirit hate is expose you. Entblöße diesen Satan. Once you expose him, you can. He hates it. He loves darkness. He loves secrets. He loves secrecy. That's why when he's walking, people say, "I don't. Nothing is wrong." But their heart is so polluted. Er liebt die Finsternis. Er liebt es, verborgen zu bleiben. Er hasst es, entblößt zu werden. Deswegen wenn er wirkt den Menschen, sehen sie es nicht ein und sagen, alles ist in Ordnung. Mm. Donc, ça signifie que tu dois vraiment exposer cet esprit-là, parce que cet esprit-là déteste être exposé. Et c'est pour cela que tu vas voir que quand les gens disent que oui, ça va, et puis après, ça devient encore plus pire. Et c'est pour cela qu'il faut vraiment être vite à se repentir, à parler ouvertement de ce problème dans ton cœur. Et là, c'est comme ça que tu vas, il sera honteux, le diable. You know what is telling, what speak through you when you are saying everything is fine. Everything is, how do you say? How do they, everything is blessed. Blessed, you know. It's that spirit that is speaking through you. Mm-hmm. Are you getting it? He will tell you, then you can solve it without them. Mm-hmm. You don't need them to solve it. Mm-hmm. Who are God's children? Mm-hmm. Who is Christ? Yeah. Where is Christ? Who do you... Yeah. A tree cannot just occupy a forest. Mm-hmm. You need God's children. God said, amen. Forsake not the assembly of believers. Amen. One another is so important. Ja, und dieser Geist wird dir immer wieder, wird dir dann halt sagen, sag einfach, dass es dir gesegnet geht, weil du kommst selbst damit klar. Du brauchst die anderen nicht, um dieses Problem zu lösen. Du packst es alleine. Aber ne, ein Baum macht, ein Wald entsteht, nee, ein Wald besteht nicht nur aus einem Baum. Ne? Es braucht halt mehrere Leute, ne, um diesen Wald zu machen. Und deswegen müssen wir das direkt verweigern. Aber wer sind denn die Kinder Gottes? Sie sind doch Christus Jesus. Deswegen, wieso trennst du dich dann von ihnen? Et c'est pour cela, c'est vraiment important de communiquer parce qu'on a vraiment besoin de l'un et l'autre. Et elle a dit qu'il y a un adage qui dit qu'un arbre ne fait pas d'une place en forêt. Tu as besoin de plusieurs arbres pour être en forêt. Et c'est pour cela, dans ton cœur, vraiment, tu dois vraiment être capable à communiquer parce que, avec le Saint-Esprit. Parce que cet esprit, quand on te demande comment vas-tu, tu dis, ben, blesse. C'est un esprit qui veut te dire, tu peux surmonter ce problème sans les enfants de Dieu. Et ça, c'est déjà, ça doit te faire voir que c'est déjà un esprit mauvais qui veut t'écarter des enfants de Dieu et de la vérité. You know, one finger can, you know, if you want to take something from your head, lies, you know, lies. If you have lies in your head, mm-hmm. you understand, you want to take it. One finger cannot remove it. You have to take two fingers mm-hmm. to take it. Mm-hmm. God, you need God, children. You need one another. You need, you know, that was the message of Christ before he left. Mm. He said, that's how people will know that you are my family. Und genauso, wenn du eine Laus oder irgendwas auf dem Kopf hast und es dir wegnehmen willst, aus dem Kopf, aus den Haaren ziehen willst, brauchst du nicht einen Finger, du brauchst zwei Finger, um zu greifen und zu ziehen. Und genauso ist es auch mit Kindern Gottes. Ne? Eisen schärft Eisen. Ne? Zu zweit ist man, ne? Also in Gemeinschaft ist man Christus stark. Und das ist auch das, was Christus, bevor er gegangen ist, immer wieder gepredigt hat und sogar gesagt hat, dass daran wird man erkennen, dass ihr zu mir gehört. Et c'est pour cela aussi, la Bible nous dit aussi que quand tu, mais on sait aussi que par exemple, quand tu as des poux dans ta tête, tu n'as pas seulement, tu peux pas les enlever seulement avec deux doigts ou bien une main, mais tu as besoin de toutes tes deux mains. Tu dois être occupé avec toutes les deux mains pour le faire sortir de ta tête. Et c'est comme ça aussi que la Bible dit que le fer aiguise aussi le fer. Et c'est comme ça qu'on doit être l'un et l'autre. On doit être, les enfants de Dieu doivent coopérer l'un pour l'autre pour enlever ces poux là de notre tête. Amen. I know all this. That's why I know how Christ, you know, how he speak, how the Holy Spirit work. Amen. Amen. I know he will not separate you from us. Ich weiß, wie er spricht und er wird dich nicht von uns aussondern. Wenn du nicht gegen diese Gemeinde bist, wenn du nicht bösartig bist, wird er dich nicht absondern, wird er dich nicht wegnehmen. Et c'est pour cela je sais que si tu appartiens, tu es un de nous, tu appartiens au Christ, le Saint-Esprit va jamais t'enlever de cette église. Amen. Amen. He himself, he must obey his own word. Er selbst muss sein eigenes Wort gehorchen. Wenn er spricht, muss er gehorchen. Lui-même, l'Éternel, il doit obéir à sa propre parole. Dès qu'il parle, c'est comme ça qu'il doit obéir. His word says we should be one. Sein Wort sagt, wir sollen eins sein. And you are hearing somebody that wants you to be two or three. Und du hörst jemanden, der sagt, dass du zwei oder drei sein sollst, und du glaubst es einfach. La parole de Dieu, ça, oui, oui, la parole de Dieu te dit que il faut vraiment être un dans l'église, un enfant de un avec tes frères et sœurs. Mais une voix te dit de sortir de l'église, et là tu dois vraiment voir que qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Instead of you to go and check what is wrong with you, and how to check what is wrong with you is by joining God's children. Mm-hmm. And then, you know, join them to help you. Mm-hmm. You will need, you know, help them, join them to help you to know what is wrong. Mm-hmm. And not separate to so that you can hear, know what is wrong. Yeah. Und anstatt sich zu anstatt die Nähe zu den Kindern Gottes zu suchen und zuzulassen, dass sie dir den Spiegel vorhalten, weil sie sind dein Spiegel, um dir zu erkennen, was, um dir zu zeigen, was bei dir stimmt und was nicht stimmt, entziehst du dich, dann entfernst du dich weg von dem Spiegel. Aber wie willst du ohne Spiegel wissen, was in deinem Gesicht gerade passiert, was da los ist, was da schief ist? En fait, c'est comme ça aussi, quand tu vois qu'il y a un esprit là qui est mauvais, qui est en train de dire quelque chose autre que du message, au lieu de te séparer des enfants de Dieu pour d'abord examiner qui parle en toi, non, tu dois partir prêt encore dans l'assemblée, être encore plus proche des enfants de Dieu, parce qu'eux, ils sont comme ton miroir. Ils vont, quand tu vois dans le miroir, c'est là que tu es en train de découvrir qui ne marche pas avec, dans ta face. Mais si tu enlèves le miroir, tu ne vas jamais le savoir, le découvrir. Et les enfants de Dieu, ce sont les Christ que tu peux voir, ton miroir. Et c'est pour cela que tu dois être encore plus proche d'eux. You know, once you allow this spirit to consume you, to not possess you, God's children cannot even understand you any longer. Wenn dieser Geist sich an einen nimmt, können Kinder Gottes nicht mehr verstehen. For us to understand you, we have to be on the same page. Wir können dich nur verstehen, wenn du die gleiche Sprache sprichst, wenn du auf der gleichen Seite bist wie wir. Et c'est pour cela que tu vas voir, du coup, quand cet esprit t'a déjà avalé, tu pars vers les enfants de Dieu, ils ne te comprennent même plus. Tu parles, tu dis quelque chose, mais ils ne comprennent rien. Parce que nous, pour qu'on puisse te comprendre, on doit être dans la même page. Amen. Même, if one person is in the flesh, the other is in the spirit. That is salt. That's what Christ said. As he said, I did not bring peace but salt. So when I am flesh and the other, when both are in the flesh, there will be one. When both are in the spirit, you can understand each other clean and clear. Somebody is telling you, I cannot understand you. It means you have to even be one with God's children. So that you can they can help you to find out why they cannot understand you. Mm. And not separating you from them to help so that you will know why they cannot understand you. Und weil, wenn einer im Fleisch ist und der andere im Geist ist, dann entsteht dieses Schwert, von dem Christus Jesus spricht, dieses Schwert, was entsteht, wenn einer im Geist ist und wenn einer im Fleisch ist. Ne? Aber wenn beide im Fleisch sind, dann ist alles, das ist alles entspannt und man geht zusammen, fällt man in diese Grube. Und genauso, wenn man zusammen im Geist ist, dann wird man zusammen Christus folgen und es wird einfach alles sich reimen und einfach alles reibungslos passieren. Und praise the Lord. En fait, par exemple, on doit voir que la Bible nous dit qu'il a emmené l'épée. L'Éternel a dit qu'il a emmené l'épée. Quand il dit qu'il a emmené l'épée, ça signifie que quand vous êtes les enfants de Dieu et que vous ne parlez pas plus le même langage, l'autre est dans l'esprit, l'autre est dans la chair, tu vas voir que ça va vous diviser. Mais pendant que quand vous êtes dans le même, vous deux vous êtes dans l'esprit, ou bien vous deux vous êtes dans la chair, c'est là que vous allez bien vous comprendre. Et c'est pour cela, quand tu commences à être de dans l'esprit, tu vas commencer à voir que c'est la parole de Dieu qui vous sépare, qui est en train de vous diviser. Et c'est dangereux en fait. Praise the Lord. Hallelujah. The whole church cannot be wrong when that is only you that is right. Genau. Everyone correcting you, one corner and the other say this is not Christ. Und wenn du halt nicht verstanden wirst, sollst du dich nicht entfernen von den Kindern Gottes, um alleine zu verstehen, weshalb du nicht verstanden wirst, sondern du sollst dann eher noch näher zu den Kindern Gottes gehen, damit sie dir mit dir helfen, um das aufzudecken. Kinder Gottes dich nicht verstehen. Das sollte man dann zusammen lösen, nicht alleine, separat, isoliert lösen für sich selbst. Et c'est pour cela aussi que quand tu as l'impression que les enfants de Dieu ne te comprennent pas, tu ne dois pas t'écarter d'eux parce que ça ne va pas aussi s'améliorer. Tu dois encore venir proche d'eux. Tu dois les permettre à t'aider à comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils doivent t'aider à détecter cet esprit qui veut t'avaler en fait. Amen. Amen. The Holy Spirit is a helper, is through one another. Okay, it's not Mr. Holy Spirit, we just come down. Mr. Holy Spirit. I want to help you. There's nothing like that. Amen. It's through one another, God's children, that is there for you. Der Heilige Geist hilft uns er geht durch uns zueinander. um einander zu helfen und einander zu belehren. Und er wird nicht einfach vom Himmel runterkommen und sich platzieren und sagen, okay, ich bin jetzt hier dein Helfer. Oder dass man die ganze Zeit auf eine hörbare Stimme hört, wenn man, während man sich die Ohren zuhält, wenn Geschwister zu dir sprechen. Das funktioniert so nicht. Et le Saint-Esprit, il parle, il est notre, il nous conforte, mais oui, il parle, il nous aide, il est notre professeur, mais il nous apprend les histoires à travers l'un et l'autre. C'est pas quand tu as un problème et tu attends que le Saint-Esprit physiquement descend ou bien cet esprit descend et commence à t'aider. Non, c'est à travers l'un et l'autre. Amen. Once you allow the evil spirit, that evil spirit to possess you, you will become so religious. Wenn du zulässt, dass dieser böse Geist dich einnimmt, wirst du so religiös. Si tu permets, I will never believe it that you are religious. I will make sure you never believe it that you are religious. Und er will dir sicherstellen, dass du auch nicht glaubst, dass du religiös bist. Et cet esprit démoniaque là, quand il est en train de t'aveugler ou bien il t'avale là, tu vas même pas croire que tu vas devenir religieux et tu vas même pas et il va s'assurer aussi que tu ne vas jamais croire que toi-même tu es devenu religieux. Donc il va t'aveugler envers cet esprit de religion que tu es maintenant. Amen. And you will start fighting the church. Du wirst anfangen, die Gemeinde zu bekämpfen. Du siehst dann die Gemeinde als dein Feind. You call it yoke with them any longer. Du kannst dann nicht mehr gleichgesinnt mit der Gemeinde sein. Et du, et du coup, tu vas voir que tu n'es plus un avec les enfants de Dieu. Tu commences à te séparer avec les enfants de Dieu. Tu ne peux pas te voir avec la même doctrine des enfants de Dieu. Tu ne peux plus dire Amen à l'église parce que tu ne crois plus à quelque chose. You now see yourself. As a victim. Du siehst dich dann als das Opfer. Et du coup, tu te vois toi-même comme une victime. Tu ne crois pas à l'église. Ils sont gegen mich. Tu te dis qu'ils sont contre moi. Completely flesh. Aber es ist vollkommen Fleisch. Et tout ça, c'est vraiment trop charnel. People, they are against you. Why don't you, you know? If you can see that they are against you, they are against Christ. Mm. Alone, it will bring you back. Mm. That alone will be a correction for you. Und wenn du erkennen würdest, dass wenn sie gegen dich sind, sind sie gegen Christus, dann würde dich das doch schon wieder zurückbringen, wieder aufmuntern. Et même si ils étaient contre toi, et toi tu es capable à te rappeler que toute personne qui est contre toi est contre Jésus-Christ, ça va même t'aider à retourner encore vers eux, parce que tu vas te dire que tu auras pitié avec eux, parce qu'ils sont en train de le faire au Christ, en fait. Amen. Amen. But no, you never see Christ being... That they are against God, but they are against you. Also, this is niemals ein, dass die Leute gegen they say it is good, if I say it is not. Let's go to mais toi, tu ne vois jamais, tu n'as vu jamais. Toi, tu ne vois jamais qu'ils sont contre le Christ. Tu vois toujours qu'ils sont contre toi. Et c'est pour cela que tu auras du mal. C'est vraiment pitoyable. On va lire Acte. I thank the Lord for Paul. Acte 8. When he was Saul. Apostelgeschichte 8. Ich danke dem Herrn für Paulus, als er noch Saulus war. Je remercie l'Éternel pour Paul quand il était encore Saul. Amen. Amen. You know he was able. I thank the Lord. Why? Because he was able to repent. So danke ich dem Herrn, weil er in der Lage war, Buße zu tun. Je remercie l'Éternel parce que lui, il était capable de se repentir, malgré ce qu'il était. From Saul to Paul. Von Saulus zu Paulus. Il était vraiment de Saul. Il est parti. Il est devenu Paul. Lass uns bitte auch schnell Buße tun. Et on doit aussi apprendre à se repentir Amen. Avec cette vitesse, Amen. La même vitesse. Vers 3 of Acts 8. Apostelgeschichte 8, Vers 3. Acte des Apôtres 8, verset 3. He said, as for Saul, he made havoc of the church. You see that? He made havoc. Er verwüstete die Gemeinde. Genauso wie auch heute. Synagogen auf eine oder die andere Weise die Gemeinde verwüsten. Acte 8 ou 3 nous dit que Saul il cherchait à détruire l'église comme quelques personnes essaient aussi de détruire notre église aujourd'hui. Amen. Dass Kinder Gottes traurig sind wegen dir, das ist Verwüstung, die du anrichtest. Le fait que les enfants de Dieu sont vraiment tristes à cause de toi, ça c'est vraiment une destruction. Amen. Instead of when they think about you, like this time this year, last year you were here. If they think about you, they will say thank you Jesus. Your son, your daughter is able to continue with you. Mm-hmm. Yeah, you know the havoc mm-hmm. is still going on today. Mm-hmm. Sie haben traurige of the church. Es bleiben noch traurige Gedanken dir gegenüber da, weil du heute nicht mehr hier bist, obwohl du es letztes Jahr warst. Man kann sich nicht mehr darüber freuen, wenn man darüber über dich nachdenkt. Les enfants dessus ne sont plus en train de se réjouir quand ils sont en train de penser à toi, au lieu qu'ils puissent dire bon alléluia qu'ils continuent ou bien elles continuent avec nous en Christ. Maintenant, les enfants de Dieu sont tristes quand ils pensent en toi. Ils disent à toi, ils disent ben l'année passée la personne était ici avec nous et aujourd'hui n'est plus là, c'est pitoyable. No matter your decision, we will move on. Was immer was deine Entscheidung ist, wir werden hier weitermachen. Amen. Peu importe quelle est ta décision, nous on va continuer. Denn niemand kann die Hand Gottes hier erhalten. Amen. Parce que personne peut stopper, peut arrêter les noms, les mains du Christ. Amen. Die Hand aufhalten. Amen. We will move on. That's the last plague. Wir werden weitermachen, das ist die letzte Plage. Nous on va continuer. Ça c'était la dernière plague. Remember the last plague came from Pharaoh. Erinnert euch daran, die letzte Plage kam von Pharao, nicht von Mose. Rappelez-vous que la dernière plague ça venait du Pharaon et pas de Moïse. I pray it is not for you. Ich bete einfach, dass das nicht an dich geht. Et moi j'espère que je prie que ça c'est the last plague came from Pharaoh. Die letzte Plage kam von Pharao. La dernière plague venait du Pharaon. When Pharaoh said the last born of the firstborn of the children of Israel, they are going to die. Mm-hmm. And Moses said, it's coming from you. Mm-hmm. Amen. That was the last plague. Mm-hmm. And that is, you know, that we move on. This is the last plague for you. Mm-hmm. And forget about us completely. Und genauso wie der Pharao gesagt hat, dass die Erstgeborenen von den Kindern Israels werden sterben. Und Mose gesagt hat, nein, es wird in deinem Haus zu diesem Fall kommen, dass die Erstgeborenen der Ägypter halt sterben werden. And Moses said, it is not firstborn, it's the firstborn that will die. Genau. Pharaoh said there's going to be the last plague, and it's going to come from him. Mm-hmm. And he said the firstborn of every children of Israel, they are going to die. Ja, genau. Pharao hat gesagt, die letzte Plage kommt von ihm, dass die Erstgeborenen der Israeliten werden sterben. Mm-hmm. Par exemple, la dernière peste qui est venue à l'histoire de Moïse et du Pharaon, on peut voir que ça venait du Pharaon, parce que c'est le Pharaon qui avait dit que les enfants, les premiers nés des Israélites vont mourir. Et Moïse a dit, mais tu sais que ça vient de toi, ça va venir à toi. Et ça venait, cette dernière peste, ça venait du Pharaon. Amen. Amen. And Moses said, und Mose hat gesagt, das kommt von dir. That is going to happen to you. Aber es wird dir passieren. Mm. Et Moïse disait que oui, ça vient de toi et ça va se passer à toi. Amen. The last plague coming from you. Die letzte Plage, die von dir kommt. Dass wir weitermachen sollen, weiterziehen sollen. Und so weitergehen, als ob nichts passiert ist und dich vergessen sollen. Et la dernière peste est venue de toi. He said we should move on. He said we should obey it. Et la dernière peste est venue de toi quand tu as dit que laissez-moi, je vais faire ça moi-même. Et l'Éternel a accepté. Il a dit que ok. Les enfants de Dieu vont continuer, on va te laisser. Und er hat gesagt, wir sollen einfach weiterziehen, weitermachen ohne dich. Praise the Lord. Amen. If you look at here, King Saul, he made havoc of the church, but he was able to repent. Wir sehen hier Saulus, er hat die Gemeinde verwüstet, aber es ging weiter und genauso auch hier in Christus. Et tu vois voir aussi que quand ça quand Saül par exemple s'est repenti, il est devenu Paul et tout allait bien. Amen. The door was even still open for Pharaoh, even after the last plague. Don't you get it? That's not the. It was even still open. That door was even still open for him to repent. Mm. But here his heart became so hard that he pursued the children of Israel. Nach der letzten Klage hätte er sogar noch Buße tun können, er hätte sogar noch umkehren können, aber stattdessen hat er die Kinder Israels, nachdem sie ausgezogen sind aus Ägypten, immer noch verfolgt und gejagt und sein Herz wurde sogar noch verfestigter. Et puis tu veux voir avec cette histoire que lui, il était le Pharaon par exemple, la porte était toujours ouverte pour lui, il avait toujours l'opportunité de se repentir, mais non, son cœur était si endurci que pour lui, c'était impossible de se repentir. Look at verse 4. Verse 4. Apostlesgeschichte 8. On va lire verset 4 de Acte des Apôtres 8. In spite of the havoc, the church continued. You see there? Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. You see there? Amen. Then Philip went down to the city of Samaria and preaching Christ unto them. you get it? Then also Philip. You see it? No one can stop the hand of the Lord. Keiner kann die Hand no des one. Aufhalten. Not even you. La Bible nous dit ici que les croyants qui étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de l'évangile. Et tu peux voir qu'il n'y a personne qui est capable à arrêter l'évangile de l'éternel. Tu peux faire comme tu veux, qu'est-ce que tu veux, l'évangile va continuer à s'y rendre. Être proclamé. What else do you want from me? Wenn du dir sprichst und du dich weigerst zu gehorchen, was soll because ich dann machen? I know you will not believe. Weil ich kann da nicht weitersprechen, weil du wirst ja dennoch nicht glauben, wenn du den ersten Schritt nicht geglaubt hast. Moi, je vous parle, vous refusez de croire. Et moi, du coup, je ne peux plus vous parler parce que de toute façon, vous allez même plus, vous avez déjà fait votre décision de ne pas croire à ma parole. Amen. In Galatians 1:13. Galates 1:13. Praise the Lord. Oh, yeah. Amen. He said, for you have heard of my conversation in time past in the Jewish religion. You see, religion. Judentum. Verse 13. Il dit que vous avez entendu parler de ma conduite passée quand j'étais adapté de judaïsme. How that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. You see that? Il dit qu'il a persécuté l'église de Dieu dans le but de la détruire. Verfolgt und zerstört. Amen. Praise the Lord. But Jesus is never wasted. Aber Jesus niemals zerstört. Niemand kann Jesus Christus zerstören. Mais le problème est que Jésus-Christ ne peut jamais être détruit. Amen. They scattered, but they were now. Nothing could take Christ away from them. Sie wurden zerstreut, aber niemand konnte den Christus wegnehmen. On peut voir qu'ils étaient dispersés à cause de la persécution, mais personne ne pouvait enlever le Christ en eux. 1 Corinthiens 15, verset 9. 1 Corinthiens 15, verset 9. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Praise the Lord. He said, for I am the least of the apostles, that I'm not meet to be called an apostle, because I persecuted the church of God. Praise the Lord. Amen. You can see his humility. Ihr könnt hier seine Demut sehen. Ici, Paul dit que oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas être titulé d'apôtre puisque j'ai persécuté l'église de Dieu. Tu peux voir l'humilité qu'il avait. We all once persecuted Jesus. Wir haben alle einst Jesus verfolgt. Nous tous, on a déjà persécuté Jésus-Christ. Aber jetzt nicht mehr. Mais maintenant, on ne le fait plus. Amen. Amen. And Paul was not exempted. Und Paul war genauso, er hat auch Christus verfolgt. Et Paul n'était pas exclu, il était aussi comme ça, il a aussi persécuté l'église. Amen. Amen. Before he became saved. Bevor and not after he became saved. Nicht nach seiner Errettung. Paul persecuted the church when he before he became saved. And not like some of us after we become saved. Et Paul était à persécuter l'église avant d'être sauvé, pas comme quelques d'entre nous qui commencent maintenant à persécuter l'église après d'être né de nouveau. Your children are going through persecution after you yourself call yourself one of them. The father of Paul was different. It was before he became saved. Genau. Und es ist auch wichtig hier zu sehen, dass die Verfolgung hat vor seiner Errettung passiert. Er war nicht errettet und hat dann die Kinder Gottes im erretteten Zustand verfolgt, sondern vorher hat er das getan, jetzt nicht mehr. Et on voit que cette persécution, c'est pas le problème de persécuter les enfants de Dieu, mais c'est le problème quand est-ce que tu persécutes les enfants de Dieu avant ton salut ou bien après ton salut. Parce que Paul, il a persécuté l'Éternel comme nous tous avant d'être des enfants de Dieu. Mais quand toi, tu le fais après d'être un enfant de Dieu, c'est vraiment pitoyable, c'est vraiment... Kannst du die Differenz between you and Paul? Ihr seht den Unterschied zwischen euch und Paulus. Die gegen Christus sind heute. Et maintenant, tu peux voir la différence entre toi et Paul aujourd'hui. After you become saved. Nachdem man errettet wurde. Après d'être né de nouveau. You allow that evil spirit to come inside you. Lass mir aber zu, dass dieser böse Geist in uns hineinkommt. Tu autorises que cet esprit mauvais puisse entrer dans toi. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. We close with here, please. The time has come. Let's close. Amen. Amen. We still have a lot, but because of the time. For the time. To follow. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Go to 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, 33. Amen. Amen. The difference between you and Paul, you have to know. Der Unterschied zwischen dir und Paulus, den musst du kennen. Tu dois connaître la différence entre toi et Paul. Paul did not return. Ist nicht zurückgegangen zu dem Ort, von dem er genommen wurde, sondern es ging immer wieder nach vorne und nicht mehr zurück. La différence entre toi et Paul est que lui, il n'est jamais reculé, n'est jamais parti en arrière. Il est toujours, il a toujours, toujours avancé. Il n'est jamais parti dans son, dans sa vomi comme quelques d'entre nous. Praise the Lord. You know, I always say beware of what you listen to. Who you listen? Who advise you? Who you communicate and what you communicate? Sage immer nur zwischen acht, was ihr euch anhört, mit wem ihr euch austauscht. Moi, je vous dis toujours, je vous avertis toujours, faites attention avec qui vous parlez, avec qui vous êtes entré de votre environnement en total. Amen. Amen. No wonder Jesus said, "Don't marry them, don't marry them." Kein Wunder, dass Jesus sagt, heirate sie nicht, auch nicht ihre Kinder, weil sie werden dich von mir wegnehmen. You are now of me, but if you go to them, they will take you away. Obwohl ihr zu mir gehört. Paul was not like that. Paul was not Christ, and they took him away. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Jésus-Christ nous dit aussi qu'on ne doit pas les marier et pas marier leurs enfants. Parce que lui-même, il sait que quand, dès que tu les as mariés, ils vont t'arracher du Christ. Ils vont t'écarter du Christ. Et c'est pour cela qu'il est vraiment, il nous avertit même ici. You know what is here? Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Mm. Praise the Lord. Il nous dit ici, attention, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs. Amen. If your communication is flesh, wenn deine Kommunikation Fleisch ist, si ta communication c'est charnel, it means if it is outside Christ, wenn es außerhalb von Christus ist, ça signifie que c'est en dehors du Christ, it will destroy the Christ in you, wird das Christus in dir zerstören, ça va détruire le Christ en toi. He said it will corrupt good manners. The good manner you have is Christ. Sinnen verderben und diese gute the good in you is Christ. Sitten, genau. Es wird gut, die seine guten Sitten verderben. Es wird Christus in dir verderben. Ça signifie que, il a dit que les mauvaises compagnies vont corrompre les bons comportements. Et les bons comportements que toi tu as, c'est le Christ en toi. You can see why your husband left Christ. Ich kann jetzt sehen, weshalb dein Ehemann Christus verlassen hat, wegen der Kommunikation. Et tu peux maintenant voir pourquoi ton mari a s'est écarté du Christ, c'est à cause de votre mauvaise communication. If your communication with whoever, your husband, your wife, or even the so-called God children, your parents, if your communication is evil, it will destroy the Christ that you even say you have. Wenn deine Kommunikation bösartig ist mit diesen Menschen, dann wird es den Christus, den du bezeugst, in dir zu haben, sogar mitreißen, zerstören. Si tu as une mauvaise communication avec tes proches, avec ton mari, avec tes sœurs, en Christ même, avec tout le monde, ça va affecter le Christ en toi. That evil always come into you, especially through communication. Communication can be your writing. You know, you write one another. Durch Kommunikation. It's not just only speaking. Dieses kommunizieren ist nicht nur sprechen, sondern kann auch schreiben sein, also einander besuchen. Cette communication, ça peut aussi être juste qu'on est en train d'écrire, oui, d'écrire, hein? Des messages, oui, des textos. Amen. Hebrew said the Christ in you is sharper than two-edged sword. Hebräer steht, dass der Christ in dir ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Hebrew nous dit que le Christ qui est en toi, il est plus. You know where it is? The book of Hebrew. The word of Christ is sharper than two. It means the word of Christ is your spirit. He's talking about your spirit. The Christ in you is sharper than two-edged sword. Two-edged sword. Christus in dir. Denn Christus in dir ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Hebrew 2. Nee, das ist nicht 2, sorry. Hebrew 4. On va lire Hebrew 4. Hebrew 4, 12 nous dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant. Et pénétrant jusqu'à la division de l'âme, ainsi de l'esprit, et des jointures, ainsi de la moelle. C'est Christ in you. Moelle. Ok, chat. Christ in you is sharper than two-edged sword. Christus in dir ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Donc, encore une fois, elle est tranchante plus que l'épée à double tranchant. It is because of you. If you allow it to be sharper. Wegen dir, wenn du zulässt, dass es geschärft sei. Mm-hmm. Mais elle est plus tranchante à cause de toi, si toi tu le permets à être si efficace. I want to continue. Amen. In Psalm 78. 78. Let's go to Psalm 78. You are the one to stop Christ, and you are the one to allow him. Du bist derjenige, der Christus aufhält und ihn auch wieder. Und sagt, weiterzumachen in dir. C'est toi qui dois décider à autoriser à l'Éternel de travailler en toi. Praise the Lord. Alléluia. Yeah. Psalm 78, please. Psalm 78. Verse 40 and 41. 40 und 41. Psalm 78, 40 à 41. He said, how of the day provoke him in the wilderness, and grieve him in the desert. You grieve the Christ in you. Du erzürnst Christus provoke in dir. Provoke him, you grieve him. Amen. Que deux fois ils se sont rebellés contre lui dans le désert et l'ont offensé dans le lieu aride. You allow that spirit to come in. Tu laisses tout à ce geist reinkommt. Toi, tu permets à cet esprit d'entrer. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. He said, yea, they turned back and limited God. And tempted God and limited the Holy One of Israel. They stop him from walking. They prevent him. Und sie haben dafür gesorgt, dass sie nicht mehr arbeiten konnten in ihrem Leben. À nouveau, ils mettaient Dieu au défi et ils attristaient le Saint d'Israël. Donc ils n'ont pas laissé le Saint-Esprit travailler à travers eux. You know, we always say the word of God is stronger than everything. Wir sagen immer, dass das Wort Gottes stärker ist als alles andere. Oui, on dit toujours que la parole de Dieu est plus puissante que toute autre chose. That is too strong does not mean we force himself to do anything. Also, weil stark, das heißt nicht, dass du dich zwingen wird, Dinge zu tun. Juste parce qu'elle est puissante, ça signifie pas qu'elle va se forcer à vivre en toi. Amen. It is strong, yes, it is strong, but your doctrine can be stronger than it. Es ist stark, aber deine Lehre, in der du gefangen bist, kann sogar stärker als das Wort sein. Oui, la parole de Dieu, elle est puissante, mais ta doctrine qui est en toi, ça peut être encore plus puissante que tu peux permettre que ça puisse être plus puissant que la parole de Dieu. You know, Jesus even said, he said, your doctrine, your tradition, make the word of God of none effect. Yes, that's it cannot, the word of God is diluted. It can do nothing. Jesus hat sogar gesagt, dass deine Tradition und diese Menschenlehren sorgen dafür, dass das Wort Gottes keinen Effekt mehr hat. Même la Bible, Jésus-Christ lui-même, il nous dit que même ta traduction, tes propres pensées, ton mode de vie, ça peut être, c'est en train de diluer la vérité et ça peut être même plus puissant que la parole de l'Éternel. Es wird verwässert und da sieht man ja, was welche Seite die andere schwächt. Et là, on va voir quel côté est en train d'affaiblir la parole de l'Éternel. Ce sont tes propres traditions à ce point-là. The so-called God people still grieve the Lord today. Die sogenannten Kinder Gottes, just like here, sie betrüben den oder bekümmern den Heiligen Geist immer noch. Les soi-disant enfants de Dieu sont en train de continuer à attrister le Saint-Esprit, la parole de Jésus-Christ. They provoke the Holy Spirit. Ananias and Sapphira. Ils sont en train de provoquer le Saint-Esprit, tout comme Ananias et Sapphira. Are you getting it? Praise the Lord. You can still provoke him. And people are provoking him. Tu peux continuer à provoquer le Saint-Esprit. Les gens sont en train de le faire. They limited him. Sie haben ihn limitiert. Ils sont en train de limiter le Saint-Esprit. They stop him from working for them. They are still doing that today. Ihn daran gehindert, für sie zu wirken, zu arbeiten. Sie tun es auch heute noch. Ils sont en train d'éviter, de faire éviter, de stopper le Saint-Esprit à travailler en eux. They made him dead in them. Sie machen ihn tot in ihnen. Ils sont en train de rendre le Christ inefficace dans leur vie. Christ always be. They made Christ to become dead in them. Sie sorgen dafür, dass Christus tot in ihnen ist. Er kann nichts in ihnen tun. Le Saint-Esprit devient, le Christ en eux devient mort. Et il est, et du coup, il peut plus rien faire en eux. Just like Adam. Genauso wie Adam. Tout comme Adam. Just one mistake can be too much. Ein Fehler kann zu viel sein. Tout comme Adam, un péché peut être, de trop. Amen. Mm-hmm. Also Abraham. Just one mistake can be too much. Tout comme Abraham, juste un péché peut être trop. He slept with that woman. Er hat mit dieser Frau geschlafen. And Ishmael came. Und Ismael ist dadurch entstanden. Il a couché avec une autre femme et Ismaël a été né. C'était un grand péché, une grande faute. You know, Abraham might be in heaven, but what about Ishmael? Abraham ist jetzt im Himmel, was ist mit Ismael? Oui, Abraham est maintenant au royaume des cieux, mais Ismaël, où est-ce qu'il est? You might even now later fight to make heaven, but what about the children that you polluted, that through you are dead? Du packst es vielleicht später in den Himmel. Was ist mit den Leichen, die du hinter dir gelassen hast? Die Leute, die durch dich verwüstet wurden, zerstreut wurden. Na, was ist mit diesen Menschen? Tu peux maintenant être au royaume des cieux, mais qu'est-ce qui se passe avec les enfants, les gens que tu as laissés derrière toi? Your children are your grandchildren. Deine Kinder, deine Kindeskinder. Tes enfants et tes petits-enfants. Amen. Amen. You know, you forget the family that wants to sit together and listen to the message of Christ. Du vergisst die Familie. And now, you are divided. You allow that demon to come in. And the family is divided. The father is not there. Which side is the children going to go? I don't know if somebody is getting it. Is it to this side or to this side? And what the children ask question. Why are we no longer one? Why? Where is the division coming from? They want to know too. Und wir lassen zu, dass dieser Geist wirkt und diese Spaltung bringt. Und die Kinder stehen dazwischen und fragen sich auch, was geht hier vor? Weshalb gehen wir nicht mehr zur Gemeinde? Wieso hören wir uns die Botschaft nicht mehr gemeinsam an? Weil sie merken das ja auch, dass etwas nicht stimmt, dass es eine Spaltung gibt. Und wir akzeptieren diese Spaltung, lassen sie zu. Ja, we will du coup, vous êtes divisés. Le papa part à gauche, ta maman à droite. Et les enfants au milieu, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Pourquoi nous ne sommes plus un? Pourquoi on n'écoute plus, on n'entend plus le message ensemble? Et nous, on ne fait rien. On est en train de tolérer des histoires comme ça. Amen. We will sit together. You bring them together and say, listen to Christ. Wir haben eins gesagt, wir zusammen haben den Kindern gesagt, setz dich hin, hört der Stimme von Christus zu. Et avant, on était assis ensemble, rassemblés avec les enfants, et on disait aux enfants, écoute, on va écouter la parole de l'Éternel ensemble. Amen. And now. Aber jetzt. Et maintenant. What are you going to do? We will tell them. Was wird man den Kindern sagen? Qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants? Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. You know, some will say, no, you keep on giving excuse. Amen. And from one excuse to another. Il y a beaucoup qui vont commencer maintenant à dire, donner des excuses. You can see how deep your fall is. Et c'est comme ça que tu vas commencer à voir comment ta chute est profonde. Want to scatter the famine. Und will die Familie zerstreuen. Tu veux diviser. Tu veux diviser la famille qui était Christ. Because of pride. Being stolz. Seulement parce que tu as de l'orgueil. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Who will the children follow? Wem werden die Kinder folgen? Si on suit, qui va suivre les enfants qui... Is it the husband or who said he's going to continue with us? Ist es den Ehemann oder der Person, die sagt, dass sie weitermachen wird in der Gemeinde? Est-ce que les enfants vont suivre la personne qui continue à l'église ou bien la personne va suivre, les enfants vont suivre la personne qui est sortie de l'église? I repeat what I've said before. Ich werde es nochmal wiederholen. Je veux le répéter. I know that once somebody leave this ministry, ich weiß, wenn jemand diese Gemeinde verlässt, ist diese Person tot. Moi, je sais que dès qu'une personne sort ou bien quitte l'église, la personne devient oui, elle est morte. I know that. Ich weiß es. Je le sais. But I could not even understand it. Aber ich konnte es nie verstehen. Mais je n'étais pas capable de le comprendre, en fait. Until just some days ago. Bis vor ein paar Tagen. Jusqu'à quelques jours passés. The Lord now helped me to understand it. That's how revelation. Geholfen, revelation. You can't hear it, but you might not believe. You might not understand it. You believe it. And they speak it. Du hörst das. Give it to them as he said it. Then the explanation will come later. Du verstehst es vielleicht nicht, aber gebe es so weiter, wie du es empfangen hast. Die Erklärung wird folgen. Et peut-être quelquefois, c'est comme une révélation. Tu ne le comprends pas, mais donne-la, prêche-la comme je te le dis. C'est après que tu vas commencer à le comprendre. That's how he can even see that I'm humble myself. Ben so kann er sehen, dass du dich demütigst. Et c'est comme ça que lui-même il est capable de voir que moi-même je suis aussi humble. Je can I preach what I cannot understand? Kann ich das predigen, was ich nicht verstehe? Suis-je capable à prêcher quelque chose que je ne peux pas comprendre? Can I preach it until I understand it? Kann ich es predigen, bis ich es verstehe? Suis-je capable à le prêcher jusqu'à ce que je puisse comprendre? Praise the Lord. Und das ist Demut. Amen. Amen. You know, once I'm preaching, I don't even care what people are going to say. Why? How? Why? Because I know that he that says speak it also have his own answer to bring out. Weil ich weiß, dass die Person, die gesagt hat, ich soll sprechen, hat auch ihre Antwort dazu. Moi, je peux le prêcher parce que je sais que la personne qui m'a dit de le... Je me demande pas comment, est-ce qu'ils vont le comprendre ou non, parce que je sais que la personne qui m'a dit de le prêcher, il a toutes les réponses. I know that once somebody leaves this ministry, that person is dead. Ich weiß, dass wenn eine Person diese Gemeinde verlässt, ist sie tot. Moi, je sais que si quelqu'un est en train de quitter cette église, la personne est morte. Because all living churches are the same. Weil alle lebendigen Gemeinden sind gleich. Parce que toute, chaque église vivante est, oui, c'est la même chose. Just like religion. You know, religion, they have many ways to their God. But the kingdom of heaven is only one, Christ. Sie haben viele Wege zu ihrem Gott, aber im Königreich Gottes gibt es nur einen Weg. Tout comme les religions, ils ont beaucoup plusieurs manières à entrer vers, oui, à s'approcher au Christ, mais au royaume de Dieu, il n'y a qu'une seule manière. All living churches are the same. Alle lebendigen Gemeinden sind gleich. Chaque église vivante, c'est la même. If you are fighting one, you are fighting others. Wenn du eine bekämpfst, bekämpfst du die anderen. Si tu combats une église vivante, tu combats toutes les églises vivantes. If you are fighting one, you are fighting all. Bekämpfst du alle. Si tu combats une, tu les combats toutes. Amen. Amen. If you have problem with one, you have problem with all. Mit einer, hast du ein Problem because mit allen. Christ Jesus is one. Weil Christus ist eins. Si tu as un problème avec une, tu as un problème avec toutes. Amen. Parce que Jésus-Christ, il est un. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Muslim or Christian, you know, this Christianity, they have Catholic, they have Jehovah Witness, they have Calvinist, they have... You know, once you leave there, you can go to the other one. Mm-hmm. But a living church is one. Ja, bei Religion, da ist, kannst du halt verschiedene Wege wählen, aber bei Christus Jesus ist halt eins. le christianisme ou bien même une église, les religions, ils ont beaucoup de dénominations, mais à la fin, ils ont un même Dieu. Mais dans une église vivante, il n'y a qu'une seule dénomination, c'est le Christ, c'est la parole vivante du Christ. Et c'est, nous sommes un, nous ne sommes pas 50. That is why living here should not be an option. Deswegen diese Gemeinde zu verlassen sollte keine Option sein für dich. Et c'est pour cela, de quitter cette église, ça ne doit jamais être une option pour toi. Weil hier diese Gemeinde zu verlassen, sollte Christus zu verlassen. Parce que abandonner cette église, quitter cette église, c'est de quitter Jésus. Except if you have decided to leave Christ. Es sei denn, du hast dich entschieden, Christus zu verlassen und es mit ihm komplett sein zu lassen. Sauf si tu as décidé de complètement finir ou bien te divorcer avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Going out of a living church is going out of Christ. Aus einer lebendigen Gemeinde auszutreten, bedeutet aus Christus auszutreten. Sortir d'une église vivante, ça signifie aussi que tu tentes de sortir de du Christ. Amen. Amen. Amen. Just like, you know, going out of one living church is going out of all other living churches. Genau wie aus einer lebendigen Gemeinde rauszugehen, damit trittst du aus allen lebendigen Gemeinden aus. Tout comme si tu étais en train de sortir une église vivante, tu es en train de sortir de toutes les églises vivantes. Amen. Amen. It is like if somebody is against somebody here because he chose Christ. Wie wenn einer gegen jemanden hier in der Gemeinde ist, weil diese Person sich für Christus entschieden hat. Tout comme quand il s'agit d'une personne qui est contre une autre personne qui choisit le Christ ici. You know, the meaning is that they are automatically against all of us. Die Bedeutung, dass sie automatisch gegen uns alle sind. Ça signifie que si tu es contre une personne parce que la personne choisit Jésus-Christ ici, tu es automatiquement contre nous tous. Jesus said, if they hate me, they will hate you. Jesus hat gesagt, wenn sie dich hassen, werden sie mich hassen. Jésus Christ a dit que si ils te détestent, ils vont aussi me détester moi aussi. If we have the same Christ. Wenn wir den gleichen Christus haben. Pardon, Jésus Christ a dit que si ils m'ont détesté, ils vont aussi te détester. Si on a le même Christ. Choose the same Christ. Wählen den gleichen Christus. On doit choisir le même Christ. If they fight one, they fight all. Wenn sie einen bekämpfen, bekämpfen sie uns alle. Parce que s'ils sont en train de combattre une d'entre nous, ils vont nous combattre nous tous. You know, if I know you are coming from a living church. Wenn ich weiß, dass du aus einer lebendigen Gemeinde kommst und hierhin kommst in diese Gemeinde. Si moi je sais que tu viens d'une église vivante. I will not allow you to be ici. Wenn ich nicht zulassen, dass du hier hier bleibst in dieser Gemeinde. Je veux pas te permettre à rester ici avec nous. Because I'm going to go into what brought you out of there. Ich werde fragen, weshalb wurdest du aus deiner wieso bist du aus deiner alten Gemeinde ausgetreten? Parce que moi je veux te demander à toi pourquoi tu es sorti de ton église. Because if here is a living church and there is a living church, it means you're fighting there is fighting here. Weil wenn dort eine lebendige Gemeinde war und hier auch eine lebendige Gemeinde ist, das, was du, das Bekämpfen von David, hast du dann auch hier getan. Parce que je sais que si toi tu es, parce que je saurais que si c'est une église vivante que tu as menacée là-bas, tu vas aussi le menacer ici. I will preach to you. Je vais te prédiger. Je vais te corriger, je vais te prêcher. I'll turn you back there. Und ich wieder zurückschicken. Et je vais te retourner, te faire retourner là-bas. Because it's the same Christ. Parce que c'est le gleiche Christus. Parce qu'il s'agit du même Christ. Amen. In all living churches. In allen lebendigen Gemeinden. Dans toutes les églises vivantes. Let's go to Philemon, the book of Philemon. Praise the Lord. Amen. Paul returned somebody. Paulus hat jemanden zurückgebracht, Philemon, nach Titus. Amen. On va dire Philemon. On va voir comment Paul a fait pour tourner quelqu'un là où il venait. Philemon 1. Paulus hat hat jemanden wieder zurückgeschickt. Philemon, it's only one chapter. Very short. Es ist nur ein Kapitel, es ist sehr kurz und knapp. C'est vraiment trop court, ce chapitre. Because of time, verse 10, please. Paulus 1, Philemon 1. Amen. He said, I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bones, which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me. Amen. Praise the Lord. Amen. Il dit, je t'adresse cette demande au sujet d'un enfant Onésime, dont je suis devenu père spirituel ici en prison. Autrefois, il était inutile, mais maintenant il est inutile à toi comme à moi. Amen. You know, this slave left his master. Dieser Sklave hat seinen Meister verlassen. Cet esclave a abandonné son Amen. Maître. Amen. We are slaves of righteousness. Wir sind alle Sklaven der Gerechtigkeit. Entweder bist du ein Sklave der Sünde, ein Sklave der Gerechtigkeit. Das heißt, dass die Gerechtigkeit jetzt dein Meister ist. Nous et nous sommes maintenant tous des esclaves. Parce que il s'agit d'être esclave de la justice ou bien de l'injustice. Nous, par exemple, les enfants de Dieu, nous sommes esclaves de la justice. Amen. Amen. Righteousness is our master. Depending on Christ is what keeps us going. Gerechtigkeit ist unser Meister. Sich auf Christus zu verlassen ist das, was uns antreibt. Je le dis comme ça parce que la justice qui est Jésus-Christ lui-même, il est devenu notre maître et nous sommes esclaves donc en fait sous lui parce que c'est lui qui est en train de nous guider vu que c'est le Christ qui est notre maître, il est la justice, nous sommes esclaves de la justice du Christ. Ihn zu glauben treibt uns an und deswegen sind wir immer noch bei ihm. Parce que quand on est en train de croire en Jésus-Christ, c'est comme ça que on peut agir, ça nous fortifie, ça nous bouge. Praise the Lord. Hallelujah. You can see Paul returned him back to the master. Paulus hat uns zurück zu seinem Meister gebracht, zurück von wo er gekommen ist. On peut voir que Paul l'a fait retourner à son maître. Wir sind eins, es sollte keine Spaltung geben. Et Paul a dit que nous sommes un, on ne doit pas avoir de division. Amen. Amen. Paul, you know, Paul and the master, they are one. Paulus und dieser Meister sind eins in Christus. Parce que Paul et le maître de cette esclave étaient un en Christ. You know, Paul cannot keep this person. And this person and the master, see Paul and this master, they are one. And Paul cannot, you know, keep this person to himself. So that, you know, because you cannot fight Paul and not fight Philemon. Mm. You cannot fight Philemon and not fight Paul. Und Paulus hat nicht einfach Onesimus bei ihm behalten, ne? Und gesagt, okay, dann habe ich ja eben eine Person mehr und das ist mir dann wichtiger. Nein, er hat gesagt, wir sind eins, sein Meister und ich sind eins und deswegen geh dahin zurück, weil ich bin genauso wie er, wir sind eins in Christus. Donc on peut voir que ici Paul n'a pas dit à ce garçon de rester, il lui a fait rentrer chez son maître parce qu'il dit que ton maître et moi, nous sommes une personne, donc tu peux pas rester ici. Amen. Amen. I will send you back. Ich werde dich zurückschicken. Just like Paul did, because a living church is the same everywhere. Genauso wie es Paulus mit Onesimus gemacht hat, weil eine lebendige Gemeinde überall gleich ist. Und deswegen kann ich dich wieder zurück zu der Gemeinde schicken, woher du kommst, wenn sie eine lebendige Gemeinde ist. Donc Paul lui a fait retourner parce qu'il dit que vu que tu viens d'une église vivante et nous sommes un, une église vivante et moi nous sommes un et c'est pour ça que je te fais rentrer. Amen. Because a living church is the same everywhere. Weil eine lebendige Gemeinde überall gleich ist. Une église vivante, elle est la même partout. It's all about Christ. Es geht immer nur um Christus Jesus allein. Parce qu'il s'agit toujours du Christ lui-même. Amen. Amen. If you say no to one, it is no to all. Wenn du Nein zu einer lebendigen Gemeinde sagst, sagst du Nein zu allen lebendigen Gemeinden. Si tu dis non à une église vivante, tu dis non à toutes les églises vivantes. And that's why I know if you are out of us, you are out of Christ. Und deswegen weiß ich, dass wenn du raus aus dieser Gemeinde bist, bist du raus aus Christus. Et c'est pour cela, c'est la raison laquelle je sais que dès que tu sors ou tu quittes cette église, tu sors du Christ. There's no way you can be one with Christ. Du kannst ja nicht mehr eins sein mit Christus. Comme ça, tu ne peux pas être un avec le Christ. Amen. Amen. If you are against the Christ we preach, wenn du gegen den Christus bist, der hier geprägt wird. Si tu es contre le Christ qui est qu'on prêche ici. If you are against people here, wenn du gegen Leute hier bist. Si tu es contre les enfants de Dieu ici. Amen. Amen. If it is all about you, wenn es um dich geht. Quand il s'agit toujours de toi. The dead and the living cannot live together. Die Toten und die Lebendigen können nicht zusammenleben. Les morts et les vivants ne peuvent pas vivre ensemble. And that's why once you are dead here, the Lord will take you out. Deswegen, wenn du hier tot bist, wirst du rausgenommen, weil die Toten und die Lebendigen können nicht zusammenleben. Dès que tu meurs, tu es un cadavre et ce cadavre doit être écarter des vivants, en fait. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Once you choose to become dead in a living church, wenn du dich entscheidest, tot zu sein, in einer lebendigen Gemeinde, wird der Herr dich rausnehmen. Si tu es dans une église vivante, c'est toi à décider si tu vas devenir mort ou bien tu vas continuer à vivre. Mais si tu es mort, l'Éternel va te te décarter. Amen. Except you repent. Then tous poussent. Ben, sauf si tu te repens. Amen. Amen. Ananias and Sapphira again. They were already dead before the Holy Spirit took them. Ananias und Sapphira, sie waren schon tot, bevor der Heilige Geist sie genommen hat. Ananias et Sapphira, ils étaient déjà morts avant que le Saint-Esprit puisse les arracher. They were already dead before the Holy Spirit even killed them. Before the Holy Ghost had killed them. Ils étaient déjà morts avant que le Saint-Esprit puisse les tuer. Because the dead cannot live with the living. Weil die Toten nicht mit den Lebendigen leben können. Parce que les morts ne peuvent pas vivre avec les vivants. Amen. Because the dead and the living cannot live together. Die Toten und Lebendigen können nicht zusammenleben. Parce que les morts et les vivants ne peuvent pas vivre ensemble. Jean 15. Amen. He said the Holy Spirit will take the already dead away. Der Heilige Geist wird die Toten wegnehmen, die schon Toten wegnehmen. He said we take the already dead away. You did not, it's not taking you away because you are still alive. Er nimmt dich nicht weg, weil du noch lebendig bist. Johannes 15. Jean 15, il dit que le Saint-Esprit va enlever les morts. Praise the Lord. Halleluja. Johannes 15. Jean 15. Amen. Amen. He said, every branch in me, verse 2. Vers 2. Now bear no fruit. He take it away. It's dead branch. Der tote. The dead branch he take away. And not a living branch. Diesen toten Ast, diese tote Frucht nimmt, diese tote Rebe nimmt er weg. Diesen toten Ast nimmt er weg. Ici, il dit que toute sarme qui en moi ne porte pas de fruits, il les retranche. Donc ça signifie que les sarmes qui n'ont pas de vie, pas ceux qui vivent, mais qui n'ont pas de fruits, qui ne portent pas de fruits. And every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit. Amen. Praise the Lord. Et tout ce qui emporte des fruits, il les purifie, afin qu'ils produisent un fruit encore plus abondant. Amen. Amen. Amen. They choose it. Sie wählen den Tod. Eux, ils choisissent la mort. Amen. Mm-hmm. And you are complaining of somebody. Pronouncing death on you. Aber du beschwerst dich darüber, dass jemand den Tod über dich ausspricht. Mais toi, tu es en train de te lamenter parce que de te plaindre parce que quelqu'un prononce la mort sur toi. Amen. You chose death. Du entscheidest dich für den Tod. Toi, tu choisis la mort. Your action is death. Deine Handlungen sind tot. Tes actions sont mortelles. Then you should expect death as a result. Dann sollst du auch den Tod als Ergebnis erwarten. Go to Galatians. Et c'est pour cela que tu dois t'y attendre avec que ton résultat soit aussi mortel. For allowing me to continue. Galatians 6. Galatians. Galata 6. Galatians 6. Galatians 6.